Chapitre 20. L'amour missionnaire. Il était très séduisant, Rayon d'or, et très brave. Une grande qualité aux yeux d'une amazone de Béanzin. De plus, il était un guerrier très intelligent, très rusé. Nathalie l'avait en haute estime. Elle se laissa convaincre facilement. Elle s'était fait raconter par Mademoiselle de Pelouer la vie de Jésus qui l'avait prodigieusement intéressée. Elle était comme toutes les Dahoméennes, friande de légendes religieuses. Elle connaissait les sacrements dont elle s'était entretenue avec sa maîtresse. Elle apprit le credo, l'ave, le pater et les commandements de Dieu et de l'Église. Tant et si bien que quand le missionnaire catholique que l'on était allé quérir chez les Iroquois arriva, il interrogea Nathalie et n'hésita pas à la baptiser et à la marier en grande pompe. Les Sioux et les compagnons de M. Dussonville firent beaucoup parler la poudre ce jour-là. Ce fut une belle fête. 3 jours de banquet et de danse arrosée de rhum. Chapitre 21. Dénouement. Enfin, tout le monde de M. Dussonville monta dans les voitures légères et l'on repartit vers le pôle. La mère et la sœur de Rayon d'or le suivirent, abandonnant leur tribu pour toujours.